patient, j'attends ma proie. Félin, je ne pense plus qu'à honorer mon contrat. Il fait soleil cette semaine et je bosse pas de veine. Tiens, le voilà, cette fois il est temps d'entrer en scène. En moi l'assassin se déchaîne. Il entre dans son appartement, les deux pieds devant. À ma main scintille une arme blanche tranche. Il n'a pas eu le temps de s'offrir, je peux te le dire. Je suis bien rompu au châtiment à la paye, après je me fais la